Les séries qu'il a préférées jusqu'à maintenant sont La Casa de Papel et Squid Game. La Casa de Papel raconte l'histoire d'un cambriolage et d'une prise d'otage spectaculaire à la fabrique de la monnaie à Madrid. Il regardait toutes les saisons, mais il n'a vraiment aimé que les deux premières.